Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues mains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse La République et les croyants, une série de Catherine Escrive réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a l'idée qu'il faut parler des religions et pas seulement de la religion musulmane, et l'envie de réfléchir aux croyants, à ceux qu'on n'entend pas et qui tentent de faire cohabiter leur foi avec les principes républicains, à commencer dans les entreprises. Alors pour commencer, les personnages. Une salariée qui prie, un chef d'entreprise qui négocie, un expert qui donne des exemples, un conseiller en laïcité, une ex-avocate qui scrute et un formateur qui dédramatise. Ensuite, le décor. Des lois, des libertés, des interdits, de la politique, des salles de réunion, des nuances et des cases, des crispations, des entreprises méfiantes, des tabous et des hypermarchés. Aujourd'hui, premier épisode, on gêne tout le monde. Non, on va pas t'interviewer. Ah bon, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, je suis impressionnée par vos micros. Ah, oui. T'as vu, ça, c'est des micros. Voilà, ben, la pancarte, elle est juste derrière vous. Là, c'est... Ouais. Vous nous la lisez ? Ben, tu veux la lire ? Prière de ne pas déranger. Est-ce qu'on peut vous poser 2-3 questions ? Quel est votre prénom ? Jamila. Jamila. Jamila, derrière vous, cette pancarte, prière en gros et en plus petit de ne pas déranger. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, au moment où je veux faire ma prière, je la mets sur ma porte, je ferme ma porte et donc les gens sont priés de ne pas me déranger parce que je n'ouvrirai pas la porte pendant ma prière. Voilà, tout simplement. Je m'enferme en fait. Ça a fait l'objet d'une négociation avec votre patron ici présent. Tout à fait. Mais on n'a pas négocié beaucoup. Non, il m'a dit que je pouvais faire ma prière au bureau, qu'il n'y avait pas de souci. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous de pouvoir exprimer ça ? Disons que j'ai 5 prières à faire par jour. Et normalement, les prières doivent être faites dans un temps déterminé. Et du coup, si ce n'est pas le cas, si je ne prie pas au travail, elles sont cumulées et du coup, elles sont faites à la chaîne en rentrant à la maison. Et c'est vraiment, vraiment pratique de pouvoir les faire au travail. Voilà. Et puis, c'est important la notion d'exprimer sa foi dans la journée parce que c'est la foi, c'est le quotidien, c'est à tout moment, matin, midi, soir. Moi, tout ce que je fais, c'est en relation avec Dieu, avec ma pratique de la religion. Et du coup, c'est pour ça aussi que je continue à travailler. Je me suis posé la question d'arrêter de travailler pour mieux pratiquer ma religion, notamment concernant le voile et la prière. Bah, du coup, le fait de pouvoir faire la prière au travail, je ne porte pas le voile dans l'enceinte du travail, mais le fait de faire la prière fait que je continue à travailler sereinement. Bon, le voile, ça a fait l'objet d'un débat. Que je ne cautionne pas, mais bon. Je peux répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Mais vous avez décidé de suivre la règle. En fait, c'est vrai que je préférais travailler voilée. Maintenant, je respecte la décision de mon employeur. Il n'est pas d'accord, enfin, pour des opinions très personnelles, mais je respecte sa décision. Voilà. Si par hasard il me disait que c'était autorisé, je porterais mon voile de suite. Mais donc non, je respecte. Voilà. Mais vous l'avez compris comment cette décision ? Dans le dialogue, hein, parce qu'on a senti qu'il y avait dialogue. Le dialogue. Écoutez, moi je travaille dans une entreprise, il y a des règles, c'est l'employeur qui prend des décisions. Il est ouvert d'esprit, je comprends ses motivations, donc du coup j'accepte la situation, voilà. Je suis pas là pour imposer ma religion. Dieu, mon patron et moi. Catherine Escrive, Rafik Zénine. Jamila est secrétaire de direction dans une entreprise de la région parisienne. Alexandre est son patron. Comme dans de nombreuses entreprises françaises, ils évoquent souvent ensemble la question de l'expression des convictions religieuses. Régimes alimentaires, port de signes religieux, demande de congés spéciaux. Il arrive que dirigeants et salariés racontent, en aparté, qu'ils se sentent concernés par ces questions. D'ailleurs, la dernière étude Randstad 2017 le confirme. Les deux tiers des salariés français déclarent observer de façon régulière ou occasionnelle des faits religieux dans leur situation de travail. Et pourtant, nous avons pu le constater à travers notre enquête, la gestion du fait religieux en entreprise reste taboue en France. Malgré notre insistance, un grand nombre de demandes de reportage en entreprise n'ont pas reçu de réponse sur le sujet. Alors de quoi les entreprises ont-elles peur ? Pourquoi gardent-elles le silence sur ce sujet, alors que la loi française donne des réponses claires à la plupart des interrogations sur l'expression des convictions religieuses en entreprise ? J'ai aucun moyen de le lui interdire, en fait. Il n'y a aucune raison qui, je pense, un tribunal accepterait pour que je lui demande de ne pas le faire. Voilà. Donc c'est bien parce qu'elle a conscience que ma demande est assez légitime malgré tout, qu'elle le fait, et que mais c'est elle qui l'a accepté suite à une discussion. J'ai aucun moyen de lui imposer en tant que patron avec une règle que je fixerai. Bon, ceci dit, il y a très peu de règles chez nous en manière générale. Il y a très peu de process, de règles, on n'a pas de règlement intérieur. Bon, voilà. L'Observatoire de la laïcité a pour mission d'assister le gouvernement dans son action pour le respect du principe de laïcité en France. Nicolas Cadden en est le rapporteur général depuis 2013. Vous avez toujours eu des désaccords sur ce que devait être notre laïcité française et comment elle devait être traduite juridiquement. Ce débat a été tranché en particulier, bien sûr, par la loi de 1905, même s'il y a d'autres textes fondateurs, par une laïcité, qui est donc aujourd'hui la laïcité tout court, qui se veut un principe, comment dirais-je, parfaitement objectif. C'est-à-dire que dans notre système actuel, tout ce qui trouble objectivement l'ordre public, tout ce qui trouble la paix civile, peut être déjà restreint, contraint, interdit. Tout ce qui ne trouble pas objectivement la paix civile doit être autorisé, c'est la liberté. Et pourquoi ? Parce que dans un état de droit, par exemple, on n'interdit pas tout ce qu'on n'aime pas. C'est ce que rappelle la loi de 1905. Mais il est évident que dans toutes les périodes de crises multiples, comme celles que l'on traverse aujourd'hui, crises à caractère social, économique, mais aussi d'identité dans la mondialisation, avec un contexte international compliqué, avec des conflits au Proche et Moyen-Orient qui sont confessionnalisés, qui plus est, avec des attentats terroristes qui se réclament de l'islam, mais qui sont évidemment une version dévoyée de l'islamisme radical. Donc dans ce contexte-là, évidemment, les tensions reviennent fortement. Les gens ont tendance, quelles que soient leurs origines, leurs convictions, à se replier sur des valeurs traditionnelles, sur des valeurs religieuses plus fortes, sur des valeurs familiales, et à avoir peur de tout ce qui ne leur ressemble pas tout à fait, tout ce qui est différent. Et dans ces contextes-là, évidemment, il y a des crispations très fortes, et il y a parfois des volontés de durcir les choses et de céder à des surenchères. Sauf que ce serait un échec, ce serait contre-productif. Et c'est ce que rappelait Aristide Briand en 1905 et tous les partisans de la loi de 1905, quand il disait, attention, ne cédons pas aux passions, ne cédons pas aux surenchères, ne déchaînons pas les passions religieuses. Et il le disait pourtant dans un contexte encore plus tendu qu'aujourd'hui, et ce qu'on oublie largement. À l'époque, il y avait par exemple cette volonté d'interdire les signes religieux dans la rue, sur la voie publique, les voiles des religieuses, les soutanes. Ça nous renvoie à nos débats aujourd'hui sur la visibilité religieuse, en particulier le voile. Mais déjà à l'époque, Aristide Briand ne voulait évidemment pas les interdire, et pourtant à l'époque, ces signes étaient objectivement très souvent utilisés à des fins politiques fortes, puisque vous aviez une volonté de certains membres de l'Église catholique, pas tous, hein, qui voulaient restaurer un ordre moral conservateur. Et puis même à la fin du XIXe siècle, on le sait, qu'ils voulaient restaurer la monarchie. Bien malgré tout, quoi qu'il en soit, même s'il y avait cette pression politique, ils n'avaient pas souhaité, les concepteurs de cette loi de 1905, restreindre la liberté et interdire ces signes et ces tenues, parce qu'ils savaient bien que ça ne ferait que radicaliser les positions, ça ne ferait qu'alimenter un discours victimaire, ça ne ferait qu'objectivement discriminer des populations croyantes, et qui du coup pourraient dire, ben voilà, on est discriminé, on est stigmatisé, donc on va provoquer la République, on va s'opposer à cette République-là. Ça n'aurait fait que radicaliser les positions, et c'est pour cela qu'Aristide Briand avait eu cette formule assez drôle en disant, écoutez, vous pouvez interdire les soutanes si vous le voulez, mais demain, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aura tôt fait d'inventer un nouveau habit qui ne sera pas perçu par vous comme religieux. C'est toujours la même chose. Ne commençons pas à ouvrir la boîte de Pandore. Ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas. Vous avez l'impression que la loi, elle vous protège en quelque sorte par rapport à vos pratiques ? Ah non, je pense que on peut pas aborder le sujet en deux minutes. Mais je pense que la loi, moi, la loi m'emprisonne, en fait. Je me sens moins libre. Depuis l'histoire du Burkini, par exemple, je me sens moins libre. Et depuis que je porte le voile, je me sens plus musulmane que française. Et j'ai l'impression qu'on touche à ma liberté, quoi. Je comprends pas qu'on associe le voile à la politique. C'est vraiment un choix personnel, mais je comprends pas cette interdiction. Ma liberté, moi, c'est de le porter ou pas. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit « je me sens plus musulmane que française ». Ça veut dire que vous vous sentez plus musulmane que citoyenne, finalement. Mais depuis, oui, parce que j'ai l'impression que depuis que je porte le voile, on ne voit en moi qu'une musulmane ou qu'une... On voit un signe politique sur mon visage au lieu de me considérer comme une citoyenne française à part entière, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'entreprise privée, comme je le disais tout à l'heure, vous avez certes le droit, a priori, à votre liberté de conscience, à avoir des opinions, quelles qu'elles soient, mais ces opinions, leur manifestation de ces opinions ne doit pas troubler le bon fonctionnement de l'entreprise, ne doit pas entraver l'aptitude à la mission, ne doit pas entraver l'organisation de l'entreprise, ne doit pas s'opposer aux intérêts économiques de l'entreprise. Et si tel est, ou et encore moins évidemment aux règles de sécurité et d'hygiène. Si tel était le cas, vous pouvez les interdire, vous pouvez les réglementer, les restreindre. Là encore, la règle est simple, il s'agit d'être objectif. On n'interdit pas juste quelque chose qu'on n'aime pas, on ne va pas interdire à tel ou tel d'avoir des opinions religieuses ou politiques qui ne nous plaisent pas. En revanche, si ces opinions et leurs manifestations troublent objectivement l'entreprise, eh bien, on pourra là les limiter et les encadrer. Qu'est-ce que ça peut être? Si vous voulez prendre un cas concret qui peut générer une crispation au sein d'une entreprise alors que le cas pourrait être résolu assez simplement. Eh bien, par exemple, si vous avez quelqu'un sur un chantier qui refuse de mettre un casque parce qu'il est sick, c'est pas possible. Pour des raisons de sécurité, il doit mettre un casque, c'est tout. Il peut pas, pour des raisons de sécurité évidentes. Si vous avez quelqu'un qui va diffuser des tracts anti-IVG de telle paroisse, dans son service, c'est pas possible parce que c'est du prosélytisme qui perturbe de fait le climat et le fonctionnement de l'entreprise. Si vous avez quelqu'un qui porte un voile alors qu'elle est sur une chaîne de montage, c'est dangereux pour des raisons de sécurité, ou qui porte un voile alors qu'elle doit porter un uniforme dans une entreprise spécifique où chacun porte un uniforme, ce sera pas possible parce qu'elle se conformera pas à l'uniforme. De même, dans certaines missions où vous travaillez pour des services publics neutres, eh bien, dans les cas où vous exercez une mission de service public, même si vous êtes de droit privé, vous êtes neutre, donc vous ne portez aucun voile, aucun signe religieux, parce que vous représentez l'administration, même si par ailleurs vous êtes délégué par une entreprise privée et de droit privé. Voilà, vous avez tout un tas de réglementations très claires qui permettent de limiter l'expression religieuse lorsqu'elle pose un problème vis-à-vis des différents critères que j'ai énumérés. Est-ce que derrière le port du voile, il y a aussi des enjeux commerciaux liés à l'entreprise, une image de l'entreprise que vous ne voulez pas peut-être véhiculer ? Alors, donc en tant qu'assistante, c'est effectivement elle qui reçoit les gens qui arrivent, donc il y a une image qu'elle véhicule, mais il y a surtout un bien-être commun. Moi, je trouve que le port du voile, c'est un acte assez prosélytique et assez agressif, qui peut être perçu par certaines personnes comme une agression. Et donc pour le bien commun, le bien vivre ensemble, je trouve que c'est beaucoup plus sain de ne pas le porter. Jamila, vous avez des collègues ici. Tout à fait. Comment ça se passe? Vous en parlez? Ouais, toujours. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai des collègues. Avec les événements qui se passent au fur et à mesure par rapport au terrorisme, au burkini, au voile, et ben, je suis bien contente de travailler, d'avoir une vie active et d'être entourée avec tous ces gens. Parce que quand on écoute les médias, j'ai vraiment l'impression... qu'on nous en veut, qu'on s'acharne sur nous et que la France est raciste. Et du coup, en discutant avec tous mes collègues, eh ben, je m'aperçois que c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça me soulage. Et c'est ce qui me rend, c'est ce qui me donne de l'espoir, en fait. Me dire qu'en France, on va nous accepter tel qu'on est, sans nous cataloguer à chaque fois. Voilà. C'est vraiment pour moi un plus de travailler dans cet environnement. Hicham Benaïssa est docteur en sociologie. Il est rattaché au laboratoire du groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS. Spécialiste du fait religieux en entreprise, il a mené sa thèse sur l'entrepreneuriat musulman en France. Hicham Benaïssa, qu'est-ce qui préoccupe le plus aujourd'hui les salariés, les managers? Quels sont les scénarios sur lesquels vous travaillez le plus communément? Dans le cadre des entreprises privées, quand les activités sont liées à des activités commerciales, de services, etc., la question qui revient et qui clive énormément, c'est la question du signe religieux, la question du foulard. Alors ça, la question du foulard, on ne se rend pas compte, mais j'ai déjà assisté à des cèdes où il y avait deux équipes divisées en deux, où il y avait les pro-foulards et les anti-foulards. Hein, ça. J'ai jamais vu les tensions aussi fortes hein, que celles qui sont liées à donc une salariée qui vient en foulard à son poste de travail. Ça, c'est très très fort. C'est très très fort. Donc ça, c'est plutôt lié aux activités du service. Par exemple, dans des métiers, disons, plus manuels, la question qui revient le plus souvent, c'est la question des prières ou la question du ramadan. Voilà. Comment on fait? Comment on régule? Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit? Est-ce qu'on peut accorder des salles, des endroits pour des gens qui prient? Mais j'ai l'impression, finalement, depuis qu'on rencontre des gens sur cette question du fait religieux en entreprise, qu'il y a quand même une focalisation sur la religion musulmane et qu'on ne le dit pas. En fait, ça ne se dit pas. Oui, ou de manière très euphémisée. Enfin, moi, personnellement, je n'ai aucune difficulté à le dire et à l'expliquer. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. 95% des cas qui se présentent au sein des entreprises sont liés à la religion musulmane. Mais ça, pour des raisons, encore une fois, socio-historiques. Hein. L'implantation, disons, massive et durable des musulmans en France est relativement récente. Je dis relativement parce que je ne prends pas la période coloniale. Mais en France, elle est relativement récente, à partir des années 60-70. Donc il y a une acculturation globale, pas des musulmans, mais aussi de la société elle-même, française d'une manière générale, à cette présence-là. Donc voilà. Donc il y a cela, me semble-t-il. Et il y a une deuxième chose. Il y a une chose qu'on oublie, et j'ai oublié de le dire d'ailleurs, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que la problématique du fait religieux en entreprise n'est pas nouvelle. Dans les années 70, par exemple, c'était les syndicats à l'époque qui portaient ces revendications à leurs salariés, leur première entreprise Renault, ensuite Talbot, je crois, qui allaient voir donc la direction en demandant de mettre en place des salles de prière pour leurs salariés. Donc les ouvriers, les OS de l'époque étaient très majoritairement issus de l'immigration maghrébine et on leur demandait de mettre en place des salles de prière. À l'époque, la direction a accepté. Elle y voyait donc un moyen de régulation sociale, d'apporter la paix au sein de l'entreprise. Et en tout cas, ça n'avait pas du tout suscité d'émoi. À l'époque, on n'a pas du tout vu ça comme un problème. Alors, pourquoi? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque des années 70, c'est le contexte du mythe du retour. On est encore beaucoup dans ça. On est encore dans l'idée que, au fond, ces travailleurs immigrés, ils sont là avec leur famille, mais ils vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Et d'ailleurs, les familles immigrées elles-mêmes se pensent comme ça. Il y a un sociologue, Abdelmalek Saya, qui a très bien travaillé la question et qui disait effectivement que c'était un mensonge collectif, hein, mais un mensonge collectif qui est inavouable d'une certaine manière. Il y a eu des politiques publiques très fortes, hein, d'incitation à ce que ces familles immigrées rentrent chez elles. Je pense à la loi Stoléru, le million Stoléru, où on donnait donc un million à toutes ces d'anciens francs, hein, aux familles qui souhaitaient rentrer chez eux. Donc, vous voyez, qu'ils pratiquent au sein de l'entreprise, finalement, ça pose pas ou peu de problèmes, puisque de toute façon, à la fin des fins, ils rentreront chez eux. Ça, c'est le contexte du mythe du retour. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Ces familles immigrées ont fait des enfants. Et là où, dans les années 70, on était face à un groupe social homogène, ils étaient plus tous ouvriers, socialement dominés, hein, ils occupaient les strates sociales les plus inférieures, entre guillemets. Aujourd'hui, nous sommes face à un groupe social, et c'est à mon avis, c'est ce qui ajoute beaucoup, enfin complexifie la problématique, à leurs enfants, qui eux sont ce n'est plus du tout un groupe social homogène. C'est-à-dire qu'en gros, on peut retrouver des musulmans à toutes les strates de la société française. Du manager, du DRA jusqu'à l'ouvrier, hein, même si ça reste encore majoritairement des classes populaires. Mais quand même, ça évolue. Il y a une émancipation de ces conditions sociales d'origine. Ça, c'est très important. Et surtout, il n'est plus question de rentrer chez eux, parce que chez eux, c'est la France. Hein. Et donc, vous voyez, donc là, c'est la problématique qui a complètement changé aussi. C'est le contexte politique qui a complètement changé. Donc, on n'est plus face au même groupe social et la tension. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en sociologie. C'est très paradoxal, mais c'est, en gros, les discriminations augmentent à mesure que l'intégration augmente. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Victor Grèze, nous sommes ici chez Coexister, mais aussi chez Convivencia. Vous êtes le président de Convivencia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Convivencia? Convivencia, c'est un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les entreprises privées et les entreprises publiques dans la gestion de la diversité religieuse et la compréhension de la laïcité et de son éventuelle application au quotidien. Il a été créé à quel moment, ce cabinet ? Alors, le cabinet Convivencia a été créé il y a un petit peu plus de 2 ans. Et il s'inscrit dans le mouvement de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et il est lié à l'association Coexister. Alors, cette association Coexister, qu'est-ce que c'est exactement ? Coexister, c'est un peu un ovni, effectivement, peut-être dans le monde associatif. Et Coexister, c'est une initiative qui est née il y a presque 10 ans, puisqu'on est dans notre 10e année, et qui est née à un moment où il y avait des fortes tensions en Israël et en Palestine, autour de la bande de Gaza, la deuxième intifada, et où, en France, le conflit commençait à être importé. C'est-à-dire qu'on voyait en France des cortèges pro-israéliens, des cortèges pro-palestiniens qui manifestaient et qui parfois se rencontraient et se sont affrontés. Et là, on s'est dit, avec un groupe de jeunes, hein, Coexister a été créé par des jeunes qui avaient tous entre 16 et 17 ans, on s'est dit, est-ce que ça a un sens de s'entretuer chez nous pour un conflit qui n'est pas le nôtre ? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre position, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un avis. Mais est-ce que ça a un sens de s'entretuer ici et de se battre et de s'affronter violemment ? Pas du tout. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée de Coexister, c'est de dire comment créer des espaces dans lesquels des jeunes, donc Coexister c'est 15 à 35 ans, vont pouvoir se rassembler en assumant leur identité, en particulier leur identité de conviction, c'est-à-dire juifs, chrétiens, musulmans, évidemment aussi athées, agnostiques. Comment est-ce que ces jeunes vont pouvoir, dans un espace entre guillemets sécurisé, dans un espace où ils n'ont pas à se cacher, se retrouver, partager, assumer ce qu'ils sont, tout en respectant ce que sont les autres. La structure Convivencia, elle a plutôt pour objectif d'aider les entreprises à prendre une position et avoir une politique interne sur comment je gère la diversité religieuse, comment je gère les questions de laïcité. Et c'est là qu'on fait du conseil, de la formation, mais surtout du conseil, c'est qu'on va les aider à dire, ben voilà, sur tel type de problématique, voilà ce que dit la loi, donc on travaille avec des juristes évidemment, voilà comment est-ce que nous on vous conseille de vous positionner, et voilà ensuite comment est-ce qu'on peut déployer cette politique une fois que vous l'avez acceptée, sous forme de formation, sous forme de charte, sous forme de guide, comme on l'a fait avec Total par exemple, et tout type d'outils qui pourraient être mis à disposition des salariés. Il y a un vrai besoin de la part de certaines entreprises, en fait en réalité de toutes, mais la plupart l'ignorent, d'avoir une prise de position sur ces sujets, parce que il n'y a aucune raison que les entreprises aient des politiques RH et des politiques diversité qui travaillent sur le handicap, sur l'égalité femmes-hommes, sur n'importe quelle discrimination. Aujourd'hui, il y en a plus de 25 critères de diversité qui sont reconnus par la loi et qui diraient non, il n'y a pas de sujet sur les questions religieuses, par exemple. Ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on le voit avec tout un ensemble d'études qui montrent que si les cas RH en entreprise liés à la religion sont relativement peu nombreux, certains sont bloquants et peuvent entraîner à des vrais problèmes et avoir un impact très négatif pour les entreprises en termes d'image, en termes de qualité de vie au travail, mais aussi en termes financiers, puisque un prud'homme pour ce genre de sujet, pour éventuellement plainte pour discrimination et autres, peut coûter très cher à l'entreprise. C'est une niche, hein, faut pas se mentir, mais c'est une niche où il y a une demande et où on fait au mieux pour y répondre. Judy Valla, quelle est votre fonction au sein du groupe Total ? Donc aujourd'hui, je suis responsable du sociétal au sein de la branche exploration-production. Et avant, j'étais responsable des droits de l'homme pour le groupe. Vous étiez avocate au départ, hein, donc c'est des questions qui touchent le droit, donc c'est très important de le préciser. Comment en êtes-vous arrivée à travailler avec Convivencia et Victor Grèze ? Alors, on a été mis en relation par l'intermédiaire de la Fondation, notamment, qui avait été en contact avec le milieu associatif, donc de coexister. La Fondation Total. Oui, absolument. Et on cherchait effectivement une structure un petit peu différente, comme le disait Victor, avec des rapports importants avec la jeunesse, le fait que ce soit un réseau solidaire, à but non lucratif, international. Donc on cherchait une approche un petit peu différente. Et donc c'est par la Fondation qu'on a eu ce contact. Julie Valla, dans l'histoire du groupe Total, c'est la première fois qu'un guide, il est intitulé « Guide pratique sur la prise en compte du fait religieux » est publié. Alors pourquoi était-il nécessaire de le rédiger, ce guide ? Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question, faut-il un guide formalisé ? On aurait pu se contenter d'avoir des débats, mais on avait constaté qu'on recevait de nombreuses questions de la part de salariés, de managers, et puis dans le cadre d'audit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sur ce sujet et qu'il n'y avait pas forcément, dans tous les cas, des réponses appropriées. Et comme on est quand même un très grand groupe, présent dans 130 pays avec 100 000 salariés, on s'est dit que peut-être un guide, c'était la façon la plus simple d'essayer de toucher tout le monde. Qu'est-ce qui remontait ? Est-ce que ça recoupe ce que disait Victor Grèze ou alors c'était très différent parce que vous êtes à l'international, justement ? C'est vrai que c'est un panel de sujets très large. Donc Victor l'a évoqué, hein, la question des salles de prière, de l'alimentation, de port de vêtements religieux, avec parfois des questionnements autour de la sécurité, par exemple. Parce que c'est vrai que nous, on est globalement dans une entreprise où il y a beaucoup de risques de par la nature de nos activités. Et donc, il a pu y avoir de temps à autre des questions autour de ces sujets. Le fait d'être présent dans 130 pays, il peut se passer des situations où, effectivement, il y a non pas forcément des conflits de juridiction, mais disons des interprétations différentes de certaines normes. Julie Valla, ça signifie que vous ne cherchez pas à exporter une laïcité à la française dans d'autres pays ? Non. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, en annexe de notre guide, on a fait, donc avec l'aide de Convivencia, une analyse juridique des différents constitutions des pays dans lesquels, encore une fois, on est présent, à la fois dans la façon dont les constitutions définissent un peu le fait religieux, donnent une place ou pas à une religion dominante ou à des religions, et aussi la façon dont ces constitutions et ces pays appréhendent également la liberté religieuse. Donc, et on s'est rendu compte, à l'issue de cette analyse, qu'en fait, la France est le seul pays au monde, quasiment, à consacrer dans sa constitution ce principe de laïcité, en tout cas dans la composante neutralité très forte des agents publics. Et donc ça, beaucoup de collaborateurs ont été très surpris, parce qu'ils pensaient que ce principe était presque universel, en fait, alors qu'on se rend compte que pas du tout. On le sent bien, les crispations, elles peuvent naître surtout de la méconnaissance de la tradition de l'autre. Et alors là, on est face à pratiquement un petit recueil de sciences des religions ou d'histoire des religions, puisqu'en annexe, vraiment, vous proposez des notions sur les religions et les croyances en détaillant, par exemple, les différents courants du christianisme, ceux de l'islam. C'était important. de remettre à niveau finalement de ce côté-là les collaborateurs ? Alors pour répondre peut-être sur ce sujet, parce que c'était vraiment une proposition qu'on a faite à Total, c'était de dire aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il peut y avoir des crispations, c'est parce que les gens ne se comprennent pas et ne parlent pas des mêmes choses, ou en tout cas ne parlent pas soit avec les bons mots, soit avec les bonnes arrière-pensées, des questions religieuses. Et donc, évidemment, et c'est très important de le dire, il n'est pas question qu'un manager, quel qu'il soit, quel que soit le pays, traite une demande qui pourrait lui être faite, ou une problématique au regard de questions théologiques. Ça, c'est évidemment absolument exclu, mais purement au regard du droit. En revanche, ce qui est intéressant, et on le voit avec les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a un intérêt à ce que les managers en particulier, mais pas que, puissent avoir un petit peu plus de connaissances et de compréhension du sujet religieux et du fait religieux en tant que tel, pour mieux comprendre ce que peut vouloir dire une demande ou une revendication de la part d'un collaborateur, et là aussi, hein, quel que soit le pays et quelle que soit l'entité. Et donc, on a voulu apporter des éléments de connaissance. Donc, en réalité, le guide, si on le découpe en trois, il y a une première partie avec les conseils, la façon de se positionner, les cas pratiques. Et puis, il y a deux tiers qui sont des annexes. Donc, un tiers, comme l'a dit Julie, sur les différentes constitutions des pays où est implanté le groupe. Et puis, un tiers avec des éléments de connaissances religieuses qui peuvent aider les managers à mieux comprendre les éventuelles revendications, demandes ou sujets. Et par exemple, on aborde les principales religions des pays où est implanté Total, c'est-à-dire les principales religions du monde. Donc, d'où elles viennent, quelle est leur histoire, quelles sont les croyances ou la base du dogme, qui sont les prophètes, le ou les prophètes, comment se traduit la pratique de cette religion dans les faits au XXIe siècle, quelles sont les fêtes, quelles sont les pratiques et les interdits alimentaires, quels sont les jours de deuil, comment se passent les condoléances dans ces pays et dans les différents pays et selon les religions, et puis aussi évidemment un important rappel des nuances de spiritualité, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut avoir des athées, des agnostiques, des déistes, des croyants, et expliquer aussi qu'il est très difficile de mettre quelqu'un dans une case. Donc à la fois, il faut avoir des connaissances, et puis à la fois, il faut prendre un petit peu de recul sur ce qu'est une personne ou ce qu'on pense qu'elle est. Alors, Victor Grèze, vous avez parlé de ces crispations et de ce risque aussi de maltraiter le fait religieux au sein de l'entreprise. Et c'est tellement difficile, même pour les médias, de faire parler les entreprises à ce sujet, que je suis passée par vous pour avoir contact avec Julie Valla de chez Total. Cette crispation et cette peur d'en parler, comme d'un sujet tabou, vous la constatez ? Je pense que les plus à même d'y répondre sont les entreprises. Moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de bienveillance de la part des entreprises qui ont envie de traiter ce sujet, comme ils pourraient traiter de n'importe quel sujet qui les concerne. La seule difficulté, c'est justement, comme je l'expliquais, que ce sujet est sensible parfois pour ceux qui le vivent. Et donc, on a peur de mal faire, ou on a peur de mal s'exprimer, ou on a peur de maltraiter le problème, alors que s'il est un problème, ou en tout cas le sujet, alors qu'on aurait envie de bien faire au départ. Et donc, ça peut expliquer que parfois, on est peur d'avoir un mot déplacé sans l'avoir voulu, qu'on ait éventuellement même pris des décisions qui soient mauvaises par le passé parce qu'on savait pas trop comment le gérer, et donc ça peut se comprendre. Après, moi je pense que la pire des postures, c'est la posture qui dit j'enterre sous le tapis et je ne traite pas la question. Nous, on a déjà eu des cas de gens avec qui on avait discuté pour la mise en place d'un programme justement d'audit, de prise de position et de déploiement de politique RH, un assez gros groupe, qui finalement n'a pas voulu avancer parce que c'était pas la priorité, parce qu'il y avait pas forcément les budgets, parce qu'il y avait d'autres problématiques, et qui dernièrement nous a appelé un petit peu en urgence en disant oui, j'ai tel problème, je ne sais pas comment gérer, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Donc là, évidemment, on les accompagne, mais on leur dit, mais si il y a 6 mois, quand on vous avait proposé de le faire, vous aviez réfléchi, vous aviez consulté, vous aviez mis en place des choses simples, ben aujourd'hui vous seriez pas un paniqué et deux en train de faire des choses qui, elles, pour le coup, sont illégales, parce que ce que vous voyez comme un problème n'est pas illégal, contrairement à ce que vous pensez. Par contre, votre réponse aujourd'hui, elle l'est potentiellement. Et donc oui, il y a une frilosité, mais moi je vois quand même beaucoup de bienveillance et d'envie de bien faire. François Lebrun, vous faites du conseil en gestion du fait religieux en entreprise. Est-ce que vous constatez également cette ignorance à l'égard du fait religieux en entreprise, chez les managers, chez les salariés, chez les dirigeants peut-être même ? Ah oui. Oui, oui, oui, oui. Je crois qu'il y a une grande gêne à évoquer la question. La meilleure preuve, c'est que chaque année, une enquête est réalisée. C'est l'Observatoire du fait religieux en entreprise, et l'universitaire qui s'en occupe utilise le fichier des entreprises clientes à Randstad, une entreprise d'intérim. Donc il y a une variété d'entreprises. Et donc il peut, avec un questionnaire anonyme, obtenir vraiment le pouls de la situation. Et donc, d'année en année, la question, est-ce que vous avez ressenti des problèmes cette année liés au fait religieux ? Oui, oui, et de plus en plus grave, oui, oui, et ça monte en puissance. Vous demandez individuellement, et chez vous ça se passe comment ? Très bien. Vous demandez à la CFTC, est-ce que vous avez des cas qui vous remontent à la centrale ? Non, jamais. Donc cette gêne, voilà, il faut en tenir compte, et nous le savons, c'est pour ça, nous faisons du cas par cas. Nous ne faisons pas nous faisons du prosélytisme, puisque j'accepte volontiers cette interview, mais nous savons très bien que nous n'aurons que des gens qui viennent à nous, et qui viennent à nous sous gênés, parce qu'ils se sentent en confiance, et parce qu'ils sont, ils sont passés par-dessus cette, honte un peu qu'ils ont d'avouer cette leur impuissance par rapport à cette question. Ils ont peur de passer pour racistes. Ils se sont souvent mis dans un état de colère et d'hystérie dans lequel ils ne se sont pas reconnus. Et je vais vous donner un exemple. C'est une amie qui dirige, elle est DRH d'un hôpital mutualiste. Ça a son importance, ça veut dire que c'est le droit privé qui régit la chose. Elle n'est pas spécialement croyante, elle serait plutôt, disons, de culture catholique. Et elle est collègue d'une amie juive qui me dit « Oh, j'en ai marre de cette fille qui arrive avec son voile, on dirait qu'elle nous provoque, etc. » Donc, mon amie catholique dit « Je vais régler la question, je vais faire une médiation. » Et en fait, elle n'était pas du tout préparée à la chose. Elle-même est partie dans un tel état de colère et d'hystérie qu'elle a fait 10 fois pire que de laisser la chose en l'état. Et donc elle est revenue après, je crois que j'ai allumé un incendie au lieu de l'éteindre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est bien la preuve que c'est toujours, ça, c'est pas que ce soit latent, et ça peut se régler facilement, mais en même temps, il ne suffit de pas grand-chose pour que ça crée des situations bloquées. Qu'avez-vous fait, François Lebrun, dans cette situation-là ? Ben d'abord, j'ai beaucoup écouté la personne qui me racontait cette situation. J'ai dit, tu veux qu'on intervienne ? Mais là, c'est enfin, comme le tango se danse à deux. Dans cette situation où vous êtes trois, il faudra l'accord des 3 personnes. Et il n'y avait pas l'accord des 3 personnes. On ne pouvait pas. Ce n'est pas une question qui peut se résoudre 2 contre 1 ou 1 contre 2. Donc, on est dans l'attente que les unes et les autres reviennent à de meilleurs sentiments. Mais bon, c'est anecdotique. Les gens vont au travail le matin, arrivent quand même à se parler. Mais il y a c'est comme une petite rage dedans, quelque chose qui est lancinant et qui n'est pas réglé et qui aboutit à ce que chacun soit tenté de s'isoler et après soit réticent à faire du travail collaboratif, à travailler en groupe. Or c'est ça l'avenir en plus du mode de travail. Mansour Zoberi est directeur de la promotion de la diversité et de la solidarité au sein du groupe Casino. Dans cette entreprise, il a pu développer une expertise particulière, celle de la lutte contre les stéréotypes et les discriminations au travail. Mansour Zoberi s'intéresse à la question du fait religieux en entreprise depuis 2010. Chez Casino, il a développé des outils spécifiques. La distribution et les quartiers ont histoire commune parce qu'en fait, les centres commerciaux se sont installés là où il y avait de la place. Et on avait l'impression, dans les années 80, entre 80 et 90, qu'en fait, ces grands centres commerciaux, ils n'étaient pas forcément pour les personnes qui habitaient là. Très souvent, ils étaient acculés au fond, après le grand ensemble. Ou autrement, il y avait une autoroute qui séparait justement ces quartiers des centres commerciaux. Voilà, donc le gros gâteau, tarte à la crème ici, et puis de l'autre côté, j'allais dire, tout un endroit où on était assigné à résidence. Voilà, en gros, pour faire simple. On est en 91-92 quand les émeutes éclatent aussi dans le territoire où j'étais, et plutôt que de s'opposer, on a mis tout le monde autour de la table et on a discuté sur la manière dont on pouvait apporter des solutions. L'objectif, c'est de dire, il y a des potentialités, vous pouvez avoir des leaders positifs qui étaient les aînés de famille, les femmes en particulier. Moi, j'ai beaucoup misé sur ces jeunes femmes qui étaient sans emploi depuis des années. Donc derrière, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, si c'était que éventuellement sur la possibilité d'aller en face, puisqu'il y avait aussi une quatre voies qui traversait, d'aller en face et de voir si on pouvait les intégrer. Donc, et puis en même temps, il ne faut juste pas oublier, c'est que c'est vos consommateurs en même temps. Ben, il y a quand même un pouvoir d'achat, il y a quand même des parts de marché à acquérir. Et ben, faut donner la possibilité qu'ils deviennent clients. Et puis bon, faut pas se tromper dans ces quartiers. C'est quoi la population? C'est grosso modo à peu près 30% de population issue des anciennes colonies. Voilà, ou plus dans un certain nombre de quartiers. Mais n'empêche que c'est aussi vos candidats potentiels et des gens que vous recrutez. Pour le fait religieux, dans l'outil qu'on a fait, on rappelle à chaque fois le cadre, le contexte législatif. Et puis ensuite, après, on dit ce qu'attend l'entreprise sur différents sujets. Alors, on a parlé tout à l'heure des signes religieux visibles, puisqu'on a pris l'exemple du foulard, en fait. C'est souvent ça qui est mis en avant. On parle jamais de la kippa, on parle jamais du turban, on parle jamais de la croix. On n'a pas voulu se focaliser sur une religion particulière. On a fait un guide multiconfessionnel. Alors, c'est sur l'aménagement du temps de travail aussi. Quand on est une entreprise qui nourrit un monde de diversité, quand on questionne les salariés pour adapter l'offre commerciale et faire du business, d'un autre côté, ben, il faut aussi se dire, quand on a des demandes individuelles, pas collectives, et on y répond donc dans le cadre de ce guide sur un certain nombre de sujets pouvant impacter. Donc on a parlé des signes religieux visibles, on a parlé de l'aménagement du temps de travail. Alors après, il y a un autre point sur lequel on a été intransigeant, c'est que en fait, on s'est beaucoup posé avec nos organisations syndicales et dans le groupe projet, doit-on accepter un lieu de prière ou pas? Alors, on s'est dit, si on veut être clair, si on veut vraiment donner, mais d'une manière très pragmatique, très éthique, très honnête, parce qu'on est respectueux justement des personnes et de leurs convictions, eh bien, on ne pouvait pas leur donner un couloir, on ne pouvait pas leur donner quelque chose. Et pourquoi donner un musulman et pas un catholique, et pas une personne qui pratique des rites bouddhistes, puisqu'on parle des bouddhistes dans cette loi, ou pour une personne de confession juive? Et puis on peut pas, j'allais dire, alors certains l'ont fait, bon, ils le gèrent, je sais pas comment, mais des lieux multiconfessionnels. Ça fonctionne pas, ça, on sait que ça fonctionne pas. Voilà. Donc ben on a dit, ben, comme on peut pas garantir le respect des personnes, comme on peut pas donner de salle à tout le monde parce qu'on n'a pas de place dans nos établissements, hein, eh bien on n'a pas de lieu de prière. Voilà. Par contre, sur la pause des collaborateurs, si la personne veut aller prier dans un lieu extérieur à l'entreprise, il peut le faire. En une dizaine d'années, le sociologue Hicham Benaïssa a conseillé et formé plus de 300 entreprises françaises sur la gestion du fait religieux. Ce qui est drôle, c'est que généralement les managers viennent à la formation dépités, ils veulent pas venir. C'est bon, la religion, faut pas en parler. Encore, qu'est-ce qu'ils vont nous casser la tête avec la religion? Pourquoi on parle de la religion en entreprise? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis bon, j'ai essayé maintenant au bout de 10 ans de mettre en place un contenu de formation qui soit un peu interactif, sympa, où ça se passe bien, et ils en ressortent plutôt ravis. Et qu'est-ce que vous y faites alors dans ces formations? Je les mets face à des situations pratiques et concrètes, celles qu'ils retrouvent sur le terrain. Je leur demande d'en parler entre eux, de libérer la parole, parce que généralement sur un sujet pareil, on souhaite pas en parler. Ensuite, je note leur cas pratique, comment ils résolvent tout ça, et j'apporte mon contenu de formation. formation. Et j'insiste d'abord sur une première chose qui me semble fondamentale, c'est rappeler ce que c'est que la laïcité. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que la laïcité. Parce que souvent, si les bases sont mauvaises, tout le reste va être biaisé. C'est-à-dire toute votre manière de voir les choses va être biaisée. Parce que si vous pensez que, par exemple, la neutralité s'applique partout, alors du coup, forcément, votre interprétation de toutes les pratiques et comportements religieux des autres va être biaisée. Alors, donc, il faut revenir sur le processus historique. Ils apprennent... Alors, généralement un bon moment, parce que c'est un moment où ils apprennent comment cette loi, quand même, sans doute la plus belle loi de la République, comment elle a été mise en place, dans la douleur, enfin, dans la grande... C'est une vraie conquête historique. Hein. On ne se rend pas compte, il faut le dire et le redire, c'est une vraie conquête historique d'accorder... de la liberté à des minorités religieuses, là où elles n'en avaient pas, et en même temps de réguler l'expression religieuse au sein de l'espace public. C'est une loi extrêmement bien équilibrée, et le présenter de cette manière, ça, déjà, ça leur permet de se réapproprier l'histoire, une histoire, la nôtre, d'une certaine manière, et ensuite, tout le reste qui vient après, c'est-à-dire les aspects très techniques, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, s'inscrit dans une philosophie générale. Voilà. Et c'est plus simple pour moi. D'abord d'avoir la philosophie générale, les principes de loi, la philosophie politique de la loi de la laïcité, et ensuite je rentre dans l'aspect technique. Bon, là, voilà, on n'a pas le droit de faire ça, là, on a le droit de faire ça. Pourquoi on interdit, pourquoi on peut autoriser dans ce cas de figure-là, etc., etc. Voilà. La loi est votre grille de lecture et celle que vous donnez aux gens que vous formez. Ah, évidemment, elle est non seulement ma grille de lecture, mais la grille de lecture à laquelle il faut se référer pour tout le monde. Et elle est, encore une fois, je le répète, extrêmement bien équilibrée. On la connaît peu ou mal, malheureusement, mais elle est extrêmement bien équilibrée. Voilà. En gros, pour dire les choses simplement, ce que je rappelle, c'est que une pratique religieuse, une demande, une expression religieuse au sein d'une entreprise, il faut l'évaluer à partir de ses conséquences objectives et non pas à partir de ses perceptions subjectives. Pourquoi c'est important ? Parce que si on interprète un comportement religieux, une demande ou une expression religieuse à partir de ses perceptions subjectives, il est évident qu'on va la voir à travers nos émotions, nos préjugés, nos prénotions, et Dieu sait qu'on en a sur la question religieuse. Si, en revanche, on l'aperçoit à partir de ses conséquences objectives, qu'est-ce qu'objectivement cette pratique, ce comportement ou cette expression provoque au sein de l'entreprise ? Si, par exemple, un salarié demande de faire sa prière en dehors des pauses et dans la rue, etc., c'est pas possible. Pas parce qu'il fait sa prière, parce que ça a des conséquences objectives sur l'entreprise. Voilà. François Lebrun, vous travaillez également avec des municipalités, des conseils régionaux, enfin, vous me direz. Est-ce que votre approche de la gestion du fait religieux avec ces acteurs-là est différente ? C'est-à-dire qu'ils sont régis par deux droits différents. Le droit administratif vous oblige à la plus grande neutralité, puisque vous êtes les représentants de l'État et l'État se doit d'être neutre. Alors que dans l'entreprise privée, il y a la liberté des partis, puisque c'est comme une initiative privée. Maintenant, on ne peut pas prendre des décisions qui soient contraires à l'ordre public, qui soient contraires à d'autres lois. Un règlement intérieur ne pourrait pas contrevenir à des règles du droit du travail. Et puis il y a, parce que c'est la France, cette société d'économie mixte, il y a énormément d'entreprises qui sont aux confins du privé et du public. Récemment, ce sont des juristes de ce qu'on appelle les EPIC, donc établissements publics, industriels et commerciaux, qui sont des établissements de capitaux publics, mais régis par le droit privé, et qui ont manifesté leur grand désarroi par rapport à ces questions de fait religieux, de laïcité, et quand on est un peu aux confins du nucléaire, eux se disent de ces questions-là, au terrorisme, il n'y a qu'un pas, et donc les grands mélanges peuvent se présenter assez vite. Par exemple, le commissariat à l'énergie atomique. Donc c'est un démembrement de l'État, mais il est régi par le droit privé, avec des clients d'eux qui sont à la fois privés et étatiques. Et eux, leurs directeurs juridiques de ces EPIC disent on est démunis devant la question de la laïcité. Alors justement, sur la question de sécurité, du fait religieux au radicalisme, de la radicalité au terrorisme, dans leur inquiétude, ils font assez vite une grande glissade. Mais il faut acter, ils sont inquiets, ne trouvent pas de réponse uniquement dans le droit, uniquement dans le management, et donc ils sont preneurs de retours d'expérience où l'ensemble des disciplines a été convoqué. Ça peut être par exemple comment considérer que quelqu'un a une pratique modérée de sa foi, pouvoir le surveyler. Est-ce que là vraiment on est... Un exemple qui m'a été donné, c'était une personne qui refusait de passer devant les portails de sécurité au nom de sa religion. Je lui dis non, je lui dis soyez à l'aise de dire à cette dame, il y a un règlement intérieur, il y a de l'ordre public, ce n'est pas la laïcité ou la religion qu'il faut convoquer dans ce cas-là. Vous ne respectez pas le règlement intérieur, vous ne le respectez pas, vous avez déchiré votre contrat de travail. Mais là, on ne va pas faire des petits arrangements, des accommodements raisonnables, comme on dit au Québec. Mais il n'y a pas lieu, là, de convoquer la laïcité ou le fait religieux. Imagineriez-vous quelqu'un qui dit « je conduis à gauche parce que ma religion me le commande ». Vous dites « ça ne va pas, non ». En France, on conduit à droite, et puis c'est tout, voilà. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui sont en fait facilement solubles par une réponse de bon sens et qui rapidement amènent à des dérapages parce qu'on s'est vite énervé, on s'est crispé. Grand désarroi, nous dit François Lebrun, face à la gestion du fait religieux en entreprise. Grand désarroi. Et peut-être aussi grande crainte de la polémique pour les services de communication de certaines entreprises publiques, telles la RATP, chapeautée par un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, et personne morale de droit public, directement rattachée à l'État. La direction de la communication du groupe RATP n'a finalement pas souhaité donner suite à nos diverses demandes d'interview. C'est Nicolas Cadenne qui nous éclairera donc sur le devoir de neutralité des entreprises de services publics. Vous le savez, c'est une spécificité française, on le retrouve quasiment dans aucun autre pays au monde, cette neutralité de l'administration. Cette neutralité a été donc choisie parce que, en tout cas au niveau religieux, parce que séparation des autorités religieuses, des organisations religieuses et de l'administration. Et puis cette neutralité par la jurisprudence est étendue à toute conviction, évidemment. Parce qu'on considère en France pour garantir la parfaite égalité de traitement de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, sachant que la France est un des pays les plus diversifiés au monde, présente sur 5 continents, avec à peu près toutes les cultures et toutes les convictions et toutes les religions au monde, on considère que dans cet État, pour garantir la parfaite égalité de traitement de tous les citoyens, il faut que l'État n'affiche aucune préférence et aucune conviction particulière, et donc que ses représentants soient neutres. Et si vous voulez, quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous exercez une mission de service public, même si vous êtes de droit privé, il faut comprendre que c'est une tâche qui est à la fois difficile parce que vous perdez d'une certaine manière une partie de votre liberté de conviction, mais très noble parce que vous représentez l'administration, vous représentez tout le monde. Quand vous êtes fonctionnaire et que vous exercez une mission de service public, il faut bien comprendre que vous ne représentez pas votre individualité. Vous représentez toute l'administration de l'État français. Ou des collectivités, et donc vous représentez cette entité qui est supérieure à vous et qui doit traiter tout le monde à égalité. Et c'est pour cela que quand vous voyez une mairie, quand vous voyez une préfecture ou quand vous voyez des agents publics, eh bien ils ne porteront jamais le moindre signe politique, le moindre signe philosophique, le moindre signe religieux. Parce que ces entités-là sont neutres, sont aconfessionnelles, sont apolitiques, sont asyndicales et traitent tout le monde de la même façon. Et il ne faudrait pas que les usagers, lorsqu'ils se présentent, croient qu'ils seront moins bien traités parce qu'ils verraient que tel ou tel agent porte un signe convictionnel particulier, politique ou religieux, et que du coup ils pensent qu'ils seront défavorisés en raison, eux, de leur appartenance religieuse ou politique ou philosophique. Et donc on a considéré que comme on représentait cette entité plus large, qui était vraiment apolitique, areligieuse et autres, il fallait être parfaitement neutre, et donc les fonctionnaires, ceux qui exercent une mission de service public, ne portent aucun signe. Il n'y a pas d'ailleurs de caractère ostensible ou pas, aucun signe, même discret. On ne doit pas laisser penser d'une quelconque manière qu'on favorise, on pourrait favoriser telle ou telle opinion. On traite tout le monde à égalité, c'est toute la noblesse du service public français. Dieu, mon patron et moi, un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Rafik Zénine. Prise de son, Laurent Macchietti, Jean-André Giannichini. Mixage,